Elle sort de la tête, grande, furie, Paname, accent, chérie, ma gueule, elle sort, fleurie, 635, Burberry, connaisseuse, bail de fin, pas trop nerveuse, la regarde pas, bref, tu t'es trompé d'appât, elle porte les couilles qu'elle a passé le V, pour vendre des tas, roule en moins, ça s'enquête, t'as fait couler, le sang met ta douille en fiat, 500 pétards, c'est devant le gars, ronquelle rougie, 22 piges, souffle ta bougie, French Manu, curé, sushi, son petit pit, s'appelle Gucci, Patrick Jeb, elle a fui le jammer, Victoria, c'est 4 pyjama, pas ton time, salut Salem, Valentine, Mathusalem, porte la misère du 9-3, dans la merde, son frère Inas, tourne autour de l'arc de triomphe, comme si c'était son pèlerinage, fuck les Clio, fuck Aldi, fuck les hôtels B&B, un Lascar au PSG, un OG, YMCMB, gros s'embrouille, sortie de droite, sort le cri, oh putain, gauche-droite de chez Swarovski, high-tip de chez Louboutin, la pute qui parle, elle la fume, si tu la veux, faut que tu l'assumes, si tu la veux, faut que tu l'assumes, elle cherche un mid money gangster. Elle croque si t'es pas un homme. Elle croque si t'es pas un homme. Laisse passer la lionne. Elle croque si t'es pas un homme. Laisse passer la lionne. Marche de canne et tapis rouge et café. Vous fermez vos gueules. Plus belle que la fin du monde. Elle a grandi dans la jungle. Lionne. Pêche les gros pour ton lasso. Cherche la loge à faire son man. Rejoins Kala sur Macao. Ma Lion, Lion, Lion, Lion. Elle est grave sérieuse dans son délire. Je vais dire, lui donne pas que ses chiffres. T'inquiète donc pas que c'est lire. Toute l'assemblée claque des dents. Envoie un numéro de canard. C'est plus un répertoire mec, c'est un vrai lac géant. Elle cherchait trop pratique en foutre sa merde au Vatican. Avec les yeux tu peux toucher, pas pour coucher. Elle va toucher top esco, pas cabana sur Paname. Ton géchi ça fait pas le dalle. Elle va passer, tu vas casser tes casales. Elle a grave pas le temps pour toi. Raconte pas ta vie, ta villa. Sur les clubs agents, rentre sur les pecs. Cannabis, ma villa. Un gros voyou chouchou t'impressionne personne. C'est clair, assume la belvédère. Champagne à la l'MDR, pousse la porte, tout le monde à terre. Tour de taille, machine de guerre. 90, 210, Beverly Hills, Madison Square. Gros soirée, tarifée, t'as kiffé, en merde. Rebe nègre, l'ACB, scarifié, en merde. Elle compte arrêter la tease, c'est ton rêve qu'elle réalise. Attise, appelle ton banquier pour lui faire la bise. Elle croque si t'es pas un homme. Elle croque si t'es pas un homme. Laisse passer la lire.